Épreuve de production orale. Entretien dirigé. 1. Bonjour, je m'appelle Pierre. 2. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous? 3. Pouvez-vous me parler de votre famille? 4. Pourquoi étudiez-vous le français? 5. Et quels sont vos projets exactement? 6. Vous habitez quelle ville? 7. C'est une grande ville? 8. Vous parlez d'autres langues? 9. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos loisirs? 10. Vous êtes déjà allé en France?